20, 11, activation, dictée. Attendre, entendre, quelqu'un, quelque chose, personne, rien. Écoutez et complétez. 1. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? Vous attendez quelqu'un? Non, non, je n'attends personne. Je me repose. Deux. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je n'attends rien. Eh bien alors, allez-y, commencez. Trois. Écoute, tu entends? Quoi? Vous entendez quelque chose, vous? Moi, je n'entends rien. Mais tu es sourd, ma parole. Tu n'entends rien? Mais non, je vous assure.